Le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectusan 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle suisse d'études des Jujutsu ont publié une déclaration commune en faveur de la lettre ouverte du comité du Nord pour la préparation de la conférence conjointe des partis politiques, organisations et personnalités du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour la paix et la réunification indépendante de la péninsule coréenne.